Hier soir j'ai aperçu, tournant au coin de l'impasse, l'impasse où je m'étais perdu. Dans un endroit un peu noir, laissé au-dessus du dessus, dans une atmosphère un peu froide, une impression de mal vécu. En face, après qui j'ai couru, je ne voulais pas perdre sa trace, je ne la retrouverai plus. Il a fallu qu'elle dégage les ondes qui m'ont rendu un instant un peu moins fade, un instant un peu moins cru. Mais elle a su me remettre à ma place sans aucun problème, en donnant de l'amour en masse, en m'appelant le phénomène. L'attraction de la tristesse, elle est très bon. Sa place, elle a emporté ses affaires. Mais elle